Je vais te dire, moi, ce qui se passe, je vais te faire pénétrer dans le monde des blagues douteuses de l'émission du matin Assemblage requis. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 5 mars 2012. Maintenant, François, on vérifie la liste ensemble. On a vérifié la pression des pneus. On a l'huile. Le miroir, l'huile, changement d'huile, évidemment. Ah oui. On a mis du Prestone. Du Prestone. Chose wiper là, pour les windshield washer. Windshield washer pour ton windshield wiper. Donc, on peut s'en aller en Alberta. Voici qui ou en cavale. Là. Il est capable de dénicher des affaires, lui, comme on dénicherait des bons poissons en une poissonnerie. T'sais. Il va à l'odeur. Il va à l'odeur. Ouais. Puis les gars, disent, ah, ça peut pas être Connor Crisp. C'est un sound. J'espère que Crisp avait bien mis du tape sur sa palette. Palette de chocolat, Coffee Crisp. Yeah! Ho! Oh yeah! Ho oh yeah! Ho! Oh ho! Yeah. C'était une bonne chronique, Nick. Merci Nick. Doom qui vient de sortir au cinéma. Le film d'hockey, là, qui ressemble étrangement à. Slapshot. Slapshot. Slapshot, prenez une patate. Prenez une patate. Non, tu connais ça? Non. C'est la pub de. Merci. Ils peuvent aller se faire masser sa petite chaise qui masse ton derrière. C'est le fun, ça, par exemple. C'est passé. Ah ouais. C'est cher, ça ne dure pas longtemps, mais. C'est ça. Mais, tu sais, une fois, il y a bien des choses comme ça qui coûtent cher et qui ne durent pas longtemps. Hein? Comme quoi? Je sais pas. Ouais. Bon. Assemblage requis. C'est bien vrai. Avec Mathieu Plante. Merci. Est-ce que tu t'essayes sur l'entrée? Attention, François. Attention. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis. En ce jeudi 8 mars 2012, moi, c'est Mathieu Plante. Oui, Amélie Martel qui va nous parler de son voyage au Maroc. Ils partent, en fait, là, avec l'école de secondaire Chamigny. Ils partent aujourd'hui. Après-midi. Qu'est-ce qu'il joue comme musique? Oui, en fait, on en a écouté quelques-uns. On trouvait que c'était toujours la même chanson. c'est pas très gentil, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Ben, c'est comme quand on écoute les chiptunes. Ah, merci. Hey, on a une actrice ici fidèle à l'émission. Hein? On voit où elle a pris ses informations. Hein, François? Elle écoute. On peut dire, je pense qu'on a laissé tomber assez d'indices depuis le début de l'émission, mais François et Amélie sont un menum, chubby, squeak, squeak. Comme on dit? C'est ouais. Écoute, Mathieu, on aimerait bien être menum, chubby, squeak, squeak avec toi, mais... C'est étendu, donc une petite chanson, puis merci beaucoup. Bon voyage bon à toi. Bon voyage. Merci. Et à toute l'équipe. Bye bye. Je vous embrasse. Ah, merci. Squeak, squeak, là. Merci, François-Henri. Merci. J'aimerais souligner, je pensais que c'était une légende, mais oui, t'as vraiment une pagette, François. Tu pensais que c'était une légende? Ouais, hein? Laissez-la. C'est que pour le look, hein? Tu veux flasher avec ton pagette. Croiser les bords, une pagette, tu sais, les médecins, il y en a qui ont encore ça. C'est ça. Oh! On a tout entendu? Non. 8 mars aujourd'hui, mais pourquoi le 8 mars et pourquoi la journée internationale de la femme? Mm-hmm. Moi, je vais faire mon animateur dans une autre radio, là, un gars pas de classe. Vas-y. Ouais, je sais pourquoi c'est 8 mars, parce qu'elle met la 8 à l'envers, elle met ça sur le côté, puis qu'est-ce que ça donne? Je mets du côté. Ça donne quoi, Mathieu? Ça donne un 8 sur le côté. Ouais. Vas-y, dis-le. Assume ton rôle jusqu'au bout. Je le perds le sein. Comme dirait un animateur dans une autre radio, mais pas moi. Jamais. Mais pas ici. Non, fait pas ça. Comme diraient les autres animateurs sur une station de radio pas de classe. Hey, les femmes, oui, donc, par le site, puis oui, donc, puis d'autres commentaires déplacés. Je suis pas capable d'imiter un gars pas de classe parce que j'en ai ben trop. Hey, boy. Hein? Ben trop, ça coule de partout. Attends un peu, marche pas. Ça coule de partout. Hey, bye. Ça finit mal, ça. Les Oreos célèbrent leur 100e anniversaire. 100 ans d'Oreos. Oreos. Hey, je pense qu'on va se gâter, mon François-Olivier. T'es pas mal trop excité, là. Toi et moi, c'est pour la vie, Oreo. Sur ta tête, je vois un Oreo, Oreo. Tout étincelant, un Oreo, Oreo. Dis 27 ans, un Oreo. Sur ta tête, je vois un Oreo. Les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 5 mars 2012. C'était particulier cette semaine, les histoires de pagettes, d'Oreo sur la tête et de gens qui disent des choses qui n'ont pas rapport, puis de menum squeak squeak, hein? Que personne ne comprend ce que ça veut dire, hein? Squeak squeak! Bon. Donc, DJ Catardi, qu'est-ce que t'as pensé des meilleurs moments d'assemblage requis? Ça donne vraiment envie d'écouter, j'en suis certain. Hein? C'est... Écoute, je me leverais dans la nuit si c'était la nuit, mais c'est pas le cas. OK. Mais je suis pas plus levée. Le matin, c'est trop de bonheur pour toi? Ouais, j'ai une bonne excuse. Moi, je travaille de nuit. Quand même, tout le monde souhaiterait avoir une excuse aussi crédible que je suis pas debout le matin. Mais vous, si vous êtes debout, ben là, vous avez plus d'excuses. Il va falloir en trouver d'autres. Désolé, c'est comme ça. À Assemblage Requis, du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante.